On parle avec Raymond Poirier, c'est l'heure de la chronique numérique. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors dans cette chronique, on fait un retour sur le colloque Objectif numérique 2017, ça c'était la semaine dernière. Exactement, la semaine dernière à l'Université Laval, une trentaine de conférenciers, donc vraiment un panorama assez complet du numérique actuellement avec une perspective évidemment liée à la recherche, c'était elle qui était au cœur de cet événement. Alors c'est toujours intéressant de mettre ça au diapason avec d'autres types d'activités du genre qui sont peut-être plus du point de vue affaires et autres, pour voir un peu où on s'en va et surtout quels sont les défis qui restent encore à surmonter pour vraiment arriver à destination, si on peut dire, en matière des possibles qui sont présentement perçus en matière du numérique. Mais ce qu'on reçoit beaucoup, c'est qu'on est vraiment à une étape charnière où, d'un point de vue technologique, il y a des avancées extrêmement intéressantes qui s'en viennent, mais on n'est pas exactement là. Que du point de vue social, il y a encore des grands défis, notamment en matière de littératie numérique, pour s'assurer que ces innovations-là servent à tout le monde et puissent être utilisées par le plus grand nombre de gens possible. Et dans un troisième temps, il y a tous les enjeux éthiques, légaux également, qui sont un peu à la remorque de tout le reste présentement, parce qu'il n'y a pas encore eu de grands cas d'espèce, il n'y a pas encore eu de débat légal, par exemple, lié aux questions numériques, mais ça s'en vient également. Alors tout le monde semblait un peu sur un pas d'alerte en disant, ben voici où on s'en va, voici comment on cherche à y aller, mais en même temps avec une zone de gris une fois qu'on va arriver à destination. Bon. Commençons donc avec ces applications technologiques dont on... Enfin, c'est l'avenir là, dont on parle. L'avenir qui est déjà présent. Il y a déjà plusieurs éléments concrets de ces nouvelles technologies. De quoi il était question à ce cas-là? En fait, pas mal tous les sujets, je dirais, au niveau des buzzwords, si tu me permets l'anglicisme, de ces termes clés. Donc, on a parlé deep learning, big data, ville intelligente, robotique, système intelligent. Pour placer un peu, parce que, question de saisir un peu l'évolution de la bête, si on peut dire. Il y avait Hugo La Rochelle, donc qui est l'un des principaux chercheurs de Google Brain, des nouveaux laboratoires qui ont ouvert du côté de Montréal, chapeautés par Google Research, donc liés à l'entreprise du même nom, qui eux travaillent fort du côté de l'intelligence artificielle. Donc c'est un des créneaux qu'ils cherchent à développer de manière proactive. Et donc ce chercheur Hugo La Rochelle est venu nous parler un peu de l'évolution du domaine, parce que il nous a amené à nous reporter dans le fond il y a une dizaine d'années, où même en recherche, la question de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, donc qui est une forme d'intelligence artificielle qui apporte une nouvelle approche d'analyse, si on peut dire, donc une nouvelle manière de structurer les réseaux de neurones intelligents, les cerveaux cybernétiques, si on peut dire, donc pour permettre à la machine d'apprendre à partir de différents contenus et de forer de manière plus interne, disons, les contenus qui sont proposés, c'est assez complexe comme enjeu. Eh ben, ce champ-là, c'est un peu, pour l'instant, ce qui est considéré comme étant la voie de l'avenir en intelligence artificielle. Et dire, regardez, il y a 10 ans, on n'était même pas capable de faire passer un papier dans une conférence. Alors, c'est fou à quel point ça a évolué rapidement. Donc, en 10 ans, on passe d'un domaine presque paria de l'intelligence artificielle à le créneau porte-flambeau, si on peut dire, de cette intelligence-là. Et lui, ce qu'il disait, c'est que ça va débloquer les avancées qui sont régulières dans ce domaine-là, vont débloquer tranquillement la manière de repenser l'organisation de la machine, un peu à l'image d'une expérience humaine dans le fond, mais d'un point de vue machinique. Donc de pouvoir dire à la machine, mais voici des données qui sont disponibles, amuse-toi avec ces données-là, va chercher l'information, va acquérir une compréhension des différents systèmes, des différentes choses. Et évidemment ça veut dire qu'on ouvre des portes. Exemple, dans la manière de programmer, il y a Christian Gagné de l'Université Laval qui est venu nous parler de système intelligent. Il dit, ben dans le fond, qu'est-ce que c'est un système intelligent? Eh ben c'est un système qui nécessite une programmation de départ, mais qui, à un moment donné, va finir par apprendre de lui-même et s'auto-former en fonction des données qui sont disponibles. Et ça, c'est rendu possible justement par des approches comme le deep learning, l'apprentissage profond. L'autre approche système intelligent, c'est un peu le machine learning, si on se lance des termes clés. Et lui dit, regardez, c'est un peu, dans le fond, une grande révolution qui est en train de se créer sur le plan technologique. Lui présentait ça comme une quatrième révolution industrielle après la mécanisation du travail, après la maîtrise de l'électricité, après l'apparition des technologies de l'information. Il dit, regardez, là, on est dans la quatrième, c'est celle-là qui s'en vient, c'est des environnements intelligents, l'automatisation des tâches cognitives, et cette idée, dans le fond, qu'on va pouvoir augmenter, entre guillemets, l'humain par des partenaires qui vont être des machines, par des partenaires qui vont être des logiciels. Ce qui a été très clair, c'est que ça viendra pas remplacer l'humain. L'humain va devenir quand même important et va rester important, en fait, dans la prise de décision, dans la direction des charges, des tâches et le reste. Mais par contre, certaines tâches plus complexes, plus difficiles, peut-être plus même au niveau corporel, en fait, donc en termes de support et de reste, vont pouvoir tranquillement être remplacées. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on a un exemple? On parle d'automatiser l'apprentissage de la prise de décision, de remplacer, par exemple, des robots. Allons-y avec l'évidence, là, les robots manufacturiers. Donc l'idée, par exemple, qu'on construit des automobiles, pour l'instant, donc il y a des robots qui vont placer, c'est une partie des pièces, des humains qui vont en placer d'autres. Maintenant, la robotique cherche à faire travailler un humain et un robot. Donc, l'humain et le robot qui peut être le support, le soutien pour la manutention lourde, mais toutes les tâches fines que l'ordinateur n'est pas encore en mesure de bien faire, elles peuvent être faites par l'humain. La direction du travail, l'orientation de certains éléments va être réalisée par l'humain, mais la machine elle-même est capable de transporter une porte beaucoup plus facilement qu'un humain, va pouvoir déplacer des pièces, découper des pièces beaucoup plus rapidement qu'un humain, et en étant bien accompagné, on nous montrait des vidéos, et c'est une augmentation, par exemple, pour percer des vis sur les portes d'auto, on parle de 45 secondes de vitesse supplémentaire là, avec un bon accompagnement robotisé qui a l'apanage un peu de la robotique intelligente. Donc, c'est vraiment de dire, on va faire collaborer, on va trouver des outils pour faire travailler les gens ensemble. Et en même temps, l'autre enjeu, c'est aussi de bonifier la prise de décision qui va être liée à ces actions-là ou à toute autre action. On parle beaucoup d'industrie 4.0, entre autres. Le secteur manufacturier, qu'on le disait, qui est en croissance. On a besoin de produire de plus en plus pour être compétitif. Et lui disait, pour l'instant, dans le fond, ça c'est Jonathan Gaudreau, qui est directeur d'un consortium sur le logiciel industriel 4.0. Lui disait, à la limite, en fait, quand on regarde tout ça, les robotiques, systèmes intelligents et le reste, c'est là que va se faire les grands enjeux de compétitivité pour l'avenir. Ça sera plus sur les salaires qu'on peut baisser dans certaines régions ou autres. On est rendu peut-être un peu au plus bas qu'on peut aller au niveau salarial dans certaines régions, mais le vrai enjeu va être la capacité des industries à automatiser leurs processus, et c'est là qu'on va faire des réelles économies de A. Et de B, qu'on va pouvoir quand même garantir une haute qualité au niveau des produits. Alors lui disait de manière très très proactive que c'était là-dessus qu'il fallait se positionner même au Québec. Donc de dire, OK, on est en mesure de bien automatiser les processus, bien orienter ces éléments-là pour redéfinir notre industrie. Et à ça, évidemment, on élargit un peu l'enjeu. Ça veut dire que si on va avoir une industrie qui va être de plus en plus machinique, si on va avoir une société qui va être de plus en plus basée sur les interactions avec des données, avec des logiciels, ça veut dire aussi qu'il faut préparer la population à ces changements-là. Ça veut dire qu'il faut intégrer des questions de code informatique dans les écoles, qu'il faut sensibiliser les gens à comment ça marche, l'informatique. Et pour il y en a de plus en plus. Là, il y a une génération très jeune là, qui est en train d'apprendre ça, là, présentement. Oui, mais c'est pas encore dans les programmes. C'est certaines initiatives isolées, si on peut dire. Mais l'idée, et qui a été soutenue d'ailleurs à quelques reprises au fil des trois jours du colloque, qui était de ramener cet apprentissage-là dans les cours d'école de manière plus proactive, de manière donc à l'intérieur des programmes, et en même temps de trouver des manières aussi d'aller rejoindre à la fois les corps d'emploi des gens en place, qui eux sont en train de bientôt subir, dans le fond, les conséquences de ces changements-là, et en même temps aussi vers la population en général. Parce qu'on s'en vient un peu vers la ville intelligente là-dessus, qui est un peu le gros enjeu des jours 2 et 3, mais c'est l'idée que si on bâtit une ville qui est entre guillemets intelligente, ça veut dire qu'on ajoute dans le fond des systèmes numériques autour des systèmes existants, donc pour bonifier un peu la prise de décision, la communication entre citoyens, etc., etc. Mais dans le fond, si on a 20% des gens qui sont pas capables de maîtriser les outils qu'on propose, les propose pas pour l'ensemble de la population. Donc, il y a un problème. Alors ça, c'est aussi des préoccupations qu'on doit avoir. Et à la limite, le chercheur Stéphane Roche, de géomatique, toujours à l'Université Laval, lui amenait l'idée de peut-être pas chercher nécessairement à faire une smart city, une ville intelligente, mais de chercher plutôt à faire une learning city, donc une ville apprenante. Donc l'idée pour lui, je cite, le seul moyen d'avancer en littératie numérique, autant qu'en compréhension et en développement du raisonnement spatial et numérique, c'est l'idée que la ville doit être un espace d'apprentissage. Donc, puisqu'on est en changement social profond, faut se donner à tous et à toutes le temps d'apprendre et la possibilité de bien apprendre. Dans le fond, pour bien appréhender ces changements-là, pour bien les intégrer. Pour éviter la division, dans le fond, dans la société, entre les gens qui comprennent bien ces phénomènes-là et ceux qui sont laissés pour compte, en quelque sorte. Exactement. Et même pour ceux qui comprennent bien les phénomènes, c'est de comprendre la nature du phénomène, parce que le numérique ouvre la porte à travers, par exemple, les données massives, le big data, à une compréhension plus précise de certains enjeux phénomènes au niveau des transports, transports, entre autres, toujours un bon exemple. Donc, la fluidité des transports, des déplacements, les choix au niveau domiciliaire, l'impact des changements climatiques. Et on a même parlé, en fait, dans certains travaux de recherche sur l'analyse en temps réel de la qualité des eaux usées, sur la prise de décision qu'on va faire au niveau des parcours pour les matières résiduelles, donc de la collecte jusqu'à l'étendage après la biométhanisation. Autant au niveau climatique mondial, où on nous a présenté des bouées qu'on envoie, il y en a 3777 qui sont dans les océans présentement, en train d'analyser la température de l'eau, les courants, la pression de l'eau et autres éléments. Donc, plein d'outils comme ça qui nous permettent d'avoir accès à de plus en plus de données, à de plus en plus d'informations. Le territoire nordique, dans 5 ans, on va le connaître beaucoup mieux qu'aujourd'hui. La nature des écosystèmes urbains, dans 5 ans, on va les connaître beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on les connaît beaucoup mieux qu'il y a 5 ans. Donc, l'apprentissage, autant pour ceux qui ne connaissent pas les usages informatiques au sens très large, mais autant pour ceux qui apprennent à les utiliser. Parce qu'on retourne un peu à ce qu'on se disait tantôt au niveau de la manufacture et de l'interaction humain-robot. Ben, ça va être la même chose dans les chaînes de décision dans les villes. Donc, les systèmes sont là pas pour prendre les décisions à la place des humains, mais pour accompagner les humains dans leur prise de décision. Mais ça veut dire que ces gens-là vont avoir donc des nouvelles données, des nouveaux outils pour décider. Donc, eux-mêmes vont être en apprentissage. Comment les utiliser? De quelle manière porter un regard sur ces enjeux-là? De quelle manière on va préconiser les données, par exemple, climatiques versus les données de transport, versus les données qu'on a, les données citoyennes qui sont générées par les médias sociaux, versus les analyses scientifiques? Donc, il y a un jeu de prise de décision qui va, je dirais pas être rendu plus complexe, mais qui va être rendu plus facile parce qu'il y a plus de données qui vont être disponibles, mais plus difficile parce qu'il y a plus de données sur lesquelles on va pouvoir se baser. Il faut trouver comment y accéder, il faut trouver comment les utiliser, quelle importance leur donner. Donc c'est aussi peut-être un peu l'idée de la ville apprenante d'une certaine manière. Tout ça, évidemment, ça amène un certain questionnement sur l'éthique. Il en a été question durant ce colloque de cette question d'éthique. Comment ça s'est matérialisé? Ben en fait, c'est essentiellement de rappeler la question que d'emblée, si on utilise le numérique en vase clos sans s'assurer que les gens comprennent comment on utilise les données pour décider, comment on consulte la population pour quel usage on en fait dans la décision, quel exercice on met en place, quel outil on met en place, mais d'emblée, ça va créer une méfiance et non une confiance envers la recherche, envers les usages, envers tout ce qui a trait au numérique. Et c'est quand même un peu déjà ce qu'on ressent quand on commence toujours à parler de Big Brother, qu'on a l'impression d'être surveillé. Le reste, c'est parce que, dans le fond, on n'a peut-être pas encore assez bien vulgarisé ou expliqué ce qu'on voulait en faire et surtout expliqué comment on le faisait. Parce que le jeu, c'est pas nécessairement dans le résultat, mais c'est dans la façon. Alors, donc, on estime que, d'un côté, les nouveaux outils amènent des nouveaux enjeux éthiques, sans nécessairement réinventer l'éthique, mais plutôt dans l'idée qu'on ajoute une dimension plus large aux enjeux qui étaient déjà existants. Quand on parle de données massives, mais c'est énorme. Les données, c'est énorme, les enjeux par rapport à la vie privée. L'éthique, c'est toujours intéressé à la protection de la vie privée, mais maintenant, on doit le faire dans une perspective plus large. Donc, on parle, par exemple, du consentement des individus. Donc, de quelle manière, quel est le type de consentement qu'on a face à ces données-là? Comment protège-t-on la vie privée, en santé publique notamment aussi? Est-ce qu'on en est à redéfinir, à la limite, ce qu'est la vie privée, d'un point de vue thématique? La question de la confidentialité des données. Si on part du principe que l'anonymisation totale n'est plus possible versus les données massives, quelle posture doit-on prendre? Est-ce qu'on en arrive aussi, parce qu'on parlait d'un 20% de gens qui, dans la ville, n'émettent pas vraiment de données. Évidemment, c'est lié à des facteurs socio-économiques, parfois. Donc, est-ce qu'on est en train aussi de créer des données qui sont flouées, qu'on discrimine à travers les données parce qu'il y a des gens qui émettent tout simplement moins par manque de connaissances, par manque d'argent, par manque de possibilités et autres. Donc, ça, c'est aussi un enjeu qu'il faut considérer. Par ailleurs, en fait, les données qu'on génère, elles sont à qui? C'est toujours la grande question aussi. Et évidemment, quels sont des usages potentiellement négatifs en lien avec ça? Ça, c'était Marie-Hélène Parizeau qui est sur une des commissions d'éthique en sciences et technologies à l'UNESCO qui nous avait apporté ça. Et en parallèle, il y a des chercheurs en droit aussi qui nous sont arrivés, Pierre-Luc Désir, entre autres, en disant, ben il y a l'idée aussi du fantasme de l'anonymat dans la loi et ailleurs. Donc, l'idée que on peut être parfaitement anonyme dans l'espace urbain, c'est l'idée qu'on garde un peu romantique des siècles derniers. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, comment on redéfinit la notion d'anonymat? Et dans ce contexte-là, comment une loi qui a été faite avant l'évolution des systèmes informatiques avant la possibilité, l'avènement des possibilités numériques, mais comment on fait pour l'adapter et comment, surtout en cours, ça va s'adapter aussi. La loi date de 2001, donc si le gouvernement prend pas les devants pour mettre à jour ces législations-là en respect, dans le fond, de plusieurs drapeaux qui ont été levés par autant lui que plusieurs autres chercheurs spécialisés dans la question, mais éventuellement, c'est le juridique qui va le faire de lui-même. Est-ce que ça va nous amener où on veut aller? De quelle manière? Donc ça, c'est on est vraiment dans l'anticipation de ce côté-là. Ouais. Plus concrètement, là, ça, parce que c'est des sujets de c'est assez pointu là, oui. En fait, comme technologie et comme réflexion technologique. Et on ne parle pas de ça sur la place publique. Là. Il va falloir qu'il y ait un espace pour pouvoir discuter de ces enjeux-là, parce que ce sont des enjeux qui risquent de nous frapper dans un avenir très très très prochain. Oui, ben en fait, j'aurais envie de dire qu'ils nous frappent déjà. Il y a des projets qu'on nous a présentés qui sont à l'étape de projets pilotes, qui sont implantés même ici à Québec, qui sont implantés ailleurs dans le monde aussi. Donc, en fait, le citoyen est déjà concerné par ces enjeux-là. Et donc, on revient un peu à ce qu'on disait sur la méfiance. C'est que si, justement, on n'est pas capable de créer ce dialogue-là et de bien expliquer aux gens comment ça marche, parce qu'en apparence, c'est très pointu, mais dans la réalité, c'est très appliqué, au bout du compte, tout ça. Donc, on va créer cette méfiance-là et on va créer un climat qui sera pas nécessairement favorable à leur bonne implantation. Dans un contexte où ça va être implanté de toute façon, donc il faut effectivement que la population soit le mieux informée et soit le mieux formé, qui nous renvoie aussi à l'éducation finalement. Donc tout est un peu interrelié et donc c'est pour ça que je disais on est un peu à l'étape d'alerte. En fait, tout le monde est comme je disais au départ en ligne, prêt à affronter les enjeux, à continuer de développer les choses, mais où ils se rendent compte que il y a un équilibre qui s'est pas nécessairement qu'en fait avec l'ensemble de la société. Donc il y a plusieurs aspects qui sont un peu à la traîne et entre autres celui-là, et donc qui semble de plus en plus s'imposer comme je dirais pas consensuel, mais comme un constat partagé par plusieurs. Donc l'idée que il va falloir à s'assurer que la population soit au niveau, et ça, toutes les franges aussi de la population, évidemment. Pour éviter la division technologique, là, en quelque oui, sorte. Puis pour éviter la méfiance, pour éviter les mauvais usages, la mauvaise compréhension, et pour s'assurer que la population soit en mesure aussi de bien accomplir son rôle de prise de décision aussi par rapport à ce qui est fait de ce côté-là, de pas être complètement laissé dans l'ignorance, et que finalement, on en vienne à décider pour elle en disant, ben, ah, c'est les chiffres. Mais non, si on est capable de questionner la manière par laquelle les chiffres sont acquis, ben on reste encore alerte comme on est capable de le faire aujourd'hui avec les méthodes d'analyse, avec les méthodes scientifiques, les méthodes de collecte de données. Le reste, on comprend comment ça marche. Donc, il faut que ça soit la même chose pour la suite. Ben, très bien. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir. C'était Raymond Poirier, la chronique numérique.